بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف عليه رحمة الله: القاعدة الثالثة في صفات الله وتحتها فروع أيضا. الفرع الأول: صفة الله كلها عليا، صفة كمال ومدح، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. Comme quoi les attributs d'Allah ils sont tous parfaits et élevés. Il n'y a pas dans l'un de ces attributs la moindre diminution. قال كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والحكمة والرحمة والعلو وغير ذلك، لقوله تعالى: ولله المثل الأعلى. ولأن الرب كامل فوجب كمال صفته. Il a pris comme exemple les exemples des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ont atteint les plus élevés des degrés dans la perfection, comme la vie, la science, la capacité, l'ouïe, le bassar, la vue, la sagesse, la miséricorde, ainsi que al-ulu, le fait qu'il est élevé. فَلَيْسَ فَوْقَ اللَّهِ شَيْءٌ. Il n'y a rien au-dessus d'Allah Azza wa Jal. طيب. Il n'y a rien au-dessus d'Allah Azza wa Jal. وهناك حديث سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. Cette catégorie de personnes, Allah subhanahu wa ta'ala, il va les rassembler sous l'ombre de son trône. Allah subhanahu wa ta'ala, il va les rassembler sous son ombre. Le jour où il n'y aura aucune ombre autre que la sienne. Taïd, vous avez compris le hadith? Taïd, pour qu'il y ait une ombre, il faut forcément une lumière au-dessus. Ça va? Fakif, tu dis bon. Et on a dit qu'il n'y a rien au-dessus d'Allah Azza wa Jal. نعم أحسنت. يعني هذا مما قال بعض العلماء. Et certains autres ils ont dit, il y en a certains ils ont dit comme a dit Uthman, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il va créer une ombre sans forcément que sans qu'il y ait quelque chose de lumineux qui profite à cela, qui implique cela. Tamam. Et d'autres ils ont dit en vérité ce n'est que l'ombre du trône. L'ombre du trône. Laquelle, ce qu'a évoqué Uthman, c'est la vue le plus juste. Une ombre qu'Allah il va créer. فليس هناك يعني ليس فوق الله شيء. طيب. Donc les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont parfaits. Et ceci en vue de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate An-Nahl, lorsqu'il dit: et Allah appartient les attributs les plus parfaits. Ou l'attribut parfait. Sourate An-Nahl, la sourate des abeilles, verset 60. Et ensuite, sur le thème, il dit: wa li'anna ar-rabb كامل فوجب كمال صفته صفته. Et parce que aussi le Seigneur il est parfait, donc on est obligé de confirmer la perfection de ses attributs. طيب. واذا كانت ثم قال واذا كانت الصفه نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حقه كالموت والجهل والعجز والصمم والعمى ونحو ذلك، لأنه سبحانه وتعالى عاقب الواصفين له بالنقص ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص، ولأن الرب لا يمكن أن يكون ناقصا لمنافاة النقص لربوبيته. دونك لا يتسبيك une chose qui va revenir aussi dans la qaida qui va arriver. C'est que si l'attribut il ne contient aucune perfection. Au contraire, c'est un attribut de naqs, de diminution. Voyez? Alors cet attribut il est formellement réfuté à Allah Azza wa Jalla. C'est compris? Si cet attribut il est yani il contient une défaillance. Ça va? Alors on se doit de le réfuter à Allah Azza wa Jalla. De ne pas attribuer à Allah par cet attribut. Mathalan, il a pris comme exemple l'ignorance. L'ignorance, c'est un attribut de diminution, défaillant. Ou la faiblesse, l'adz. Ou le fait d'être aveugle. Tout ça, c'est des attributs de diminution. كذلك le fait d'être muet. Et on va voir, ça s'appelle, et on va voir de toute façon dans la qaïda qui arrive. طيب. وإذا كان الصفة وإذا كانت الصفة كاملا من وجه نقصا من وجه. Et si toutefois t'as un attribut, d'un côté, d'un certain point de vue, il est parfait. D'un autre, il est défaillant. Comment tu fais? Est-ce que tu l'affirmes à Allah Azza wa Jal? Si tu as un attribut qui, d'un certain point de vue, il paraît parfait, et d'un autre point de vue, il paraît défaillant, est-ce que tu l'affirmes à Allah Azza wa Jal? Défaillance, là. Hein? Spécifique à un cas. Yanni, il faut faire un. La réponse, elle est dans ce que vous avez dit. Les... Maintenant, il faut formuler ça d'une autre manière. Hein? On lui attribue pas tout le temps. Naam. Naam. Naam. فنحن نثبت ما كان على وجه الكمال وننفي ما كان على وجه النقص. Ça veut dire que, comme il va expliquer là, il dit qu'ala lam takun, yani hadi sifa, lam takun thabitatan lillahi wa la mumtani'atan alayhi ala sabili l'itlaq, bal la budda min at-tafsil. Donc on ne peut pas réfuter cet attribut d'une manière absolue, comme on ne peut pas le confirmer d'une manière absolue. On va donner des exemples. Il va évoquer des exemples. Mais il dit au contraire, on se doit de détailler la chose. Tamam. قال فتثبت لله في الحال التي تكون كمالا وتمتنع عليه في الحال التي تكون نقصا. Donc on affirme ce sifat, on affirme cet attribut lorsqu'il est employé dans la situation où c'est une perfection. Et on le réfute lorsqu'il est employé dans la perfection, dans la situation où c'est une défaillance. Ça va? Al-makr, comme la ruse, le fait d'être rusé, de ruser avec quelqu'un. C'est une perfection. À quel moment? Si la ruse est avec quelqu'un, c'est une perfection, Abdelkrim, il a dit c'est une perfection si la ruse elle gagne. Si la quoi? Si la ruse elle mène à un prochain. Si la ruse elle mène à un prochain. C'est une bonne ruse. C'est lui نعم من سورة الطارق نعم سورة الطارق وسورة كذلك في سورة آل عمران وغيرها من السور. Donc la partie parfaite de ce sifat, c'est lorsque la ruse est pratiquée contre celui qui la pratique. Sinon, comme ça, là, tu ruses avec quelqu'un, c'est pas bon. Quelqu'un ne t'a rien fait, tu ruses avec lui, même si tu gagnes, hein, c'est pas bon. Tamam. Lakin, tu ruses avec quelqu'un qui ruse avec toi, là, c'est kamal. Là, c'est la perfection. Tamam. نعم. وكذلك الكيد المكر والكيد بمعنى متقارب والخداع الخداع لا تخايزون ونحوها. Donc tout ça c'est des صفات on peut pas les réfuter d'une manière absolue et on peut pas les affirmer d'une manière absolue, mais on dit Allah il ruse avec ceux qui rusent. Tamam. Allah, yani, le khida', on va dire, le khida', comment ils l'ont traduit le khida'? C'est pas vraiment la trahison, c'est plus la tromperie ou. Comment elle est. طيب. قال ونحوها فهذه الصفات تكون كاملا أو تكون كمالا إذا كانت في مقابلة. إذا كانت في مقابلة مثلها لأنها تدل على أن فاعلها ليس بعاجز عن مقابلة عدوه بمثل فعله. Pourquoi on dit que c'est une perfection? Le fait que Allah est ruse avec ceux qui rusent. Parce que ça montre qu'il est capable de répondre à son ennemi de la même manière que lui. Lui est ruse, طيب. Allah subhanahu wa ta'ala yamkur. ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. خير الماكرين من اسماء الله عز وجل الحسنى, من اسماء الله الحسنى يا عثمان. على الصحيح ليس من اسماء الله الحسنى خير الماكرين لانه مضاف خير الماكرين. Voilà, la ruse en soi c'est pas une perfection, au contraire c'est une défaillance. Ce qui est prévu c'est que c'est Allah qui perfectionne cette ruse, c'est ça? Non, j'ai pas vraiment compris comment t'as. Parce que là t'as dit la ruse en soi c'est pas. Ouais, la ruse en soi c'est au contraire c'est blâmable. Mais là vu que Allah il ruse avec ceux qui veulent ruser et ben il ruse mieux que quoi, c'est-à-dire. Voilà. C'est, ouais. Voilà, c'est ça qui la rend parfaite. Allez, naam. Ahsan. Naam. Donc, Cheikh Al-Uthaymeen, il explique. Et il dit que. Ça, pourquoi on dit qu'elle est parfaite? Parce que ça montre que Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable. Et il n'est pas. Il n'est pas incapable de répondre à son ennemi par la même chose avec laquelle il est venu. T'as وتكون نقصا في غير هذا في غير هذه الحال. Et elle est ce sifa, cet attribut, il est qualifié comme étant défaillant dans toute autre situation. C'est-à-dire si tu ruses avec quelqu'un qui ne ruse pas avec toi, c'est un naqs. C'est une défaillance. طيب. قال وتكون نقصا في غير هذه الحال فتثبت لله في الحال الأولى دون الثانية. قال الله تبارك وتعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال الله سبحانه وتعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. نعم. وقال الله سبحانه وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. Certes, les munafiqs, les hypocrites, ils veulent ou ils essayent de tromper Allah Azza wa Jal, alors que c'est lui qui les trompe. La tromperie, tromper quelqu'un, c'est bien ou c'est pas bien? Hakada? Ça dépend du cas. Ça dépend du cas. À quel moment c'est bien? À quel moment c'est bien? Et à Bilal? À quel moment c'est bien? نعم لأن هذا من صفات الله عز وجل الصفات التي أثبتها لنفسه صفات الله عز وجل يعني إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ça veut dire il a répondu à leur œuvre de la même manière تمام نعم Le numéro du verset, c'est Surat An-Nisa, verset 142. فَإِذَا قِيلَ هَلْ يُوصَفُ اللَّهِ بِالْمَكْرِ مَثَلًا. Si on te demande, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut lui attribuer le sifat de la ruse? Muhammad. C'est-à-dire, on lui attribue ou on lui attribue pas? Comme l'a dit, on ne l'attribue pas vraiment. Ahsan. On ne peut pas lui attribuer d'une manière globale, absolue, et on ne peut pas le réfuter d'une manière absolue. Donc ça veut dire, on va dire quoi? On va détailler dans la réponse. On va dire, Allah subhanahu wa ta'ala est ruse avec celui qui mérite la ruse. Faqat. Ça va? On ne va jamais dire, ouais, Allah subhanahu wa ta'ala, il est ruse. هكذا لا طيب قال فلا تقول نعم ولا تقول لا ne répond pas نعم et ne répond pas لا تفضل قال ولكن قل mais au contraire dit هو ماكر بمن يستحق ذلك والله اعلم الشيخ الاثيمين يقول ولكن قل هو ماكر بمن يستحق ذلك هل هذه العبارة صحيحة ولا في شيء بل قل هو ماكر بمن يستحق ذلك ماكر سي الغزور طيب Le fait que Cheikh Al-Azimin dit Bel, قل هو ماكر بمن يستحق ذلك, c'est. Il n'y a pas d'erreur. Mais le mieux, c'est qu'il dise Bel, dit قل يمكر بمن يستحق. Il ruse avec celui qui ruse. Mais lorsqu'il a. Il dit que c'est lui le ruseur, il a fait du sifa un nom. Ouais, il a fait du sifa un nom. Maker. Wa maker ma jabhi dalil. C'est pas un nom parmi les noms d'Allah Azza wa Jalla. Maintenant, tu peux appeler Allah comme ça, sans dire que ça fait partie des noms et attributs des noms d'Allah Azza wa Jalla. Voilà, juste à la sabil al khabar. Juste d'une manière à informer. Tu vois? Mais pas pour dire que ça, il fait partie des noms et attributs d'Allah. Ça va? Et normalement, on va voir ça. Yanni, on verra ça dans Qawaid al-Mithla. Dans le kitab qui est juste après. Inch'Allah. Al-Muhim. Donc, ça, c'est la Qa'ida. Comme quoi, les sifats d'Allah, ils sont élevés est parfait de toute forme, et ceci y en est de tout point de vue. Et si toutefois on voit un sifa qui est parfait d'un point de vue et défaillant d'un autre, alors on affirme le côté parfait et on réfute le côté défaillant. Ça c'est la qa'ida. طيب الفرع الثاني صفة الله تنقسم إلى قسمين ثبوتية وسلبية. Les attributs d'Allah ils se divisent de deux sortes. Il y a les ثبوتية. ثبوتية c'est ceux qui sont affirmés. Les sifat qui sont affirmés. ثبوتية وسلبية. سلبية c'est les sifat qui ont été réfutés. Les sifat, les attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réfutés. Qui peut me sortir un qui, Yassine? Tu peux me donner un attribut qu'Allah il a réfuté? Ouais, qu'il a réfuté sur lui-même. Ouais, qu'il ne s'est pas attribué. Il l'a réfuté. Allah alam. Simple. Ahmed. L'injustice. نعم أحسنت إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم. Je me suis interdit l'injustice. Donc là on va dire quoi? On va dire l'injustice c'est un sifa salbiya. C'est-à-dire c'est comme si tu disais l'injustice c'est un attribut réfuté. Il fait partie des attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté. Un autre? La pauvreté. Il affirme que. Mais est-ce qu'il a réfuté la pauvreté? C'est dans le sens. Dans le sens. Maintenant, quand on parle de sifat salbiya, c'est un sifat. Il est évoqué dans le hadith, il est évoqué dans le verset. À la sabil salb. Il est évoqué d'une manière où il le réfute. Ça peut être compris dans le verset où il dit Nahnu voilà. Antum al-fuqara wallahu huwa al-ghani al-alim. Al-Hamid. Na'am. طيب. وكذلك qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a réfuté dans son livre ou selon le hadith du prophète. T'en as trouvé un Yassine en vitel? Naam, il a réfuté l'enfant. Naam. Fi sourate Qul huwallahu ahad. Naam. Lam yalid wa lam yulad. طيب السمي نعم في اي سوره في اي ايه ايه الكرسي نعم لا تاخذه سنه ولا نوم الى ريفيتي لو سمي اي aussi مقدمه النوم اي aussi la somnolence وغير ذلك من الصفات. طيب دونك الثبوتية قال فالثبوتية ما أثبتها الله لنفسه كالحياة والعلم والقدرة يجب إثباتها لله عز وجل على الوجه اللائق به لأن الله أثبتها لنفسه وهو أعلم بصفاته. Donc les صفات Thubutiya, les sifat que Allah subhanahu wa ta'ala il a confirmé, il a affirmé à lui-même, on se doit, il est obligatoire de les affirmer pour Allah Azza wa Jal. Comme la vie, Al-Hayy al-Qayyum. Comme la science. Comme la Qudra. Tout ça c'est des sifat qu'Allah il a affirmé à lui-même. On se doit, il est obligatoire de les affirmer. طيب والسلبية ça c'est pas أحسن جميل. هذا نريد واحد قد حضر الدرس ويجيب فورا. Là, il vient de poser une bonne question. J'ai dit, on parlait du sifat de la vie. Et moi, je suis venu, j'ai pas évoqué un verset où il y a le sifat, où Allah subhanahu wa ta'ala il dit, où il y a le sifat d'Allah, mais j'ai évoqué un verset où il y a le nom d'Allah, Al-Hayy, qu'il est le vivant. Et lui, il me dit, mais là, tu as évoqué le nom, tu n'as pas évoqué le sifat. Nourid, on veut quelqu'un qui réponde à cette question pertinente de notre frère Abou Zakaria. Fawran. C'est pas ça la question. C'est quoi la question? Parce que s'il a dit Al-Hayyu, on déduit la sifat. Yeah. La question c'est, est-ce que le fait d'affirmer le nom, c'est-à-dire que la sifat, elle est sous-boutière? Il faut qu'il... En fait, si tu affirmes le nom, ça peut pas, tu peux pas affirmer une chose. Par exemple, là, si par exemple, toi tu affirmes le nom, mais là je sais que le sifa est... C'est juste ça là-dessus. Ah ouais, ah d'accord. Là. Si tu affirmes le nom, tu affirmes le sifa. À partir du moment là, il n'y a plus d'ishkal. Ça va. طيب نعم قال مثال طيب والسلبية هي التي نفاها الله عن نفسه كالظلم فيجب نفيها عن الله لأن الله نفاها عن نفسه لكن يجب اعتقاد ثبوت ضدها لله على الوجه الأكمل لأن النفي لا يكون كمالا حتى يتضمن ثبوتا. Non, ça c'est une faïda kadhalik. Lorsque tu trouves un sifa, tu trouves un sifa salbiya, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a réfuté envers sa propre personne. Toi tu te dois de faire quoi? Ramener la perfection. Voilà, de le réfuter aussi. Et quand tu le réfutes, et d'affirmer son contraire. Tamam. Si Allah subhanahu wa ta'ala il réfute le dhulm, toi tu te dois non seulement de réfuter le dhulm, mais d'affirmer la justice, qui est le contraire du dhulm. Si Allah subhanahu wa ta'ala il réfute la mort, alladhi الذي لا يموت. نعم والإثبات بعد ذلك أحسنت. نعم على كل حال pourquoi parce que le nafi est ahsan صحيح c'est ce qu'ils évoquent aussi dans la shahada que ça commence par une négation la ilaha et ensuite ça termine par une affirmation parce qu'en fait la négation en arabe, une simple et pure négation, ça ne peut pas être une perfection. Ça ne peut pas être une perfection. Mais la perfection, elle est dans le fait qu'il y ait une négation et qu'on affirme le contraire de cette négation. Donc, quand tu réfutes la pauvreté à Allah Azza wa Jal, tu affirmes dans un même temps sa richesse. Sa richesse parfaite. نعم. قال مثال ذلك قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, et Allah ne fait d'injustice à personne. فيجب نفي الظلم. فيجب نفي الظلم عن الله مع اعتقاد ثبوت العدل لله على الوجه الأكمل. Donc il nous est obligatoire de réfuter l'injustice, yani de réfuter à Allah le fait qu'il puisse faire preuve d'injustice, avec la croyance et l'affirmation de son contraire, qui est la justice. Ça va? Non. طيب ناخذ الفرع الثالث وبه ننتهي من هذا الدرس. طيب ناخذ القاعده صفات. الصفات ثبوتيه تنقسم الى قسمين ذاتيه وفعليه. لصفات الله on a vu qu'ils se divisent en deux, ثبوتيه ceux qui sont affirmés et ceux qui sont réfutés. طيب ceux qui sont affirmés là, ils se divisent en deux. Les sifats qui sont affirmés, ils se divisent en deux. Dhatiya, ceux qui sont propres à Allah Azza wa Jal. Les sifats qui sont propres à Allah Azza wa Jal. Wa fi'liya. Fi'liya, on va traduire comment? Hein? Ouais, d'action, on va dire, ouais. D'action. Ouais. On va dire ceux qui sont propres à Allah et ceux qui. On va le traduire par la définition directement. Ceux qui dépendent de sa volonté. Quand même. Ceux. Donc tu as les sifats qui sont propres à lui-même et ceux qui dépendent de sa volonté. Un exemple. Al-ilm, la science. Est-ce que la science, c'est un sifa fi'liya? Dhatiya. Tamam. Dhatiya. Parce que ça, on ne peut pas dire, ouais, ça dépend de sa volonté. Ça veut dire à des moments, s'il veut, il sait, s'il veut, il ne sait pas. Ma foi? طيب الاستواء على العرش فعليه. الاستواء على العرش فعليه. pourquoi? parce qu'elle elle dépend de sa volonté. lorsqu'elle l'a voulu, il s'est établi. وهل قبل خلق السماوات والارض كان الله مستويا؟ Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, avant qu'il ait créé les cieux et la terre, il était mustawiyan? Il était établi? Parce que l'istiwa, c'est le fait de s'établir. On a dit istawa ala al-arsh. Dans le verset, c'est quoi? Thumma istawa ala al-arsh. Thumma tufi de ta'akhir. C'est-à-dire. Il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Hein? Ensuite, il s'est établi sur le trône. Et allez, ce qu'on comprend du verset, c'est que avant cela, il n'était pas établi. Allez, ça casse avec. Allahu a'lam. Le fait que on dise qu'il était il n'était pas établi, ça ne remet en rien que le sifa d'atiya del ulu. Hein? Comme quoi il est Allah subhanahu wa ta'ala, il est le plus élevé. Ça, le fait qu'il soit le plus élevé, c'est un sifa d'atiya. D'atiya. Tamam? Et certains savants disent que on peut conclure du verset que avant la création des cieux et la terre, Makana Mustawiyan, il n'était pas établi. Mais quand on dit il n'était pas établi, ça ne veut pas dire qu'il n'était pas Ali, qu'il n'était pas élevé. Tamam. À la kulli hal, vous retenez seulement que les sifa منها ما هي ذاتية ومنها ما هي فعلية. الانيميتي الله علم. لكن هذه مسألة ستجدها في كتب العقيدة الطحاوية وغيرها. نعم. طيب ثم بعدين الفائدة ما هو إن شاء الله. قال فالذاتية هي التي لم يزال ولا يزال متصفا بها كالسمع والبصر. Donc les sifats qu'on dit qui sont datia, propres à Allah Azza wa Jal, ce sont ceux qui ne cessent d'être avec lui, qui ne se séparent jamais de lui. Comme l'ouïe ou la vue. Donc, comme on a dit juste avant, l'ilm. طيب. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته. إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. Tandis que la fi'liya, c'est celle qui est en relation avec sa volonté, qui dépend de sa volonté. S'il veut, il le fait. S'il ne veut pas, il ne le fait pas. Comme l'istiwa ala al-arsh. Comme l'istiwa ala al-arsh. Ou comme al-maji. Allah subhanahu wa ta'ala, il va venir yom al-qiyama. Al-maji, il va venir yom al-qiyama. Taïb. Ça montre bien que, par exemple, à l'heure actuelle, ليس يعني لا يقوم بهذا الوصف في الحال الحاضر تمام لكن يوم القيامة فهذا يتعلق بمشيئته donc ce sifa il est en lien avec sa volonté lorsqu'il voudra il viendra تمام طيب والكلام الكلام يا محمد الله سبحانه وتعالى le fait qu'il parle الكلام ça c'est quoi c'est ذاتية ولا c'est فعلية si tu dis فعلية ça veut dire que s'il veut parler il parle نعم et ça sous-entend que il y a un moment où il ne parlait pas Datia. Si c'est datia, ça veut dire que ça. C'est les deux. نعم. فالكلام يدخل في هذا وهذا. Le kalam, la parole, le fait qu'Allah parle, ça rentre dans les sifats datia, comme les sifats fi'liya. Ça veut dire que ça rentre dans datia, min حيث أصل ال As-sifa. Comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala il est capable de parler. Donc de ce point de vue, c'est dhatiya. À n'importe quel moment il est capable de parler, ça de ce point de vue, c'est dhatiya. T'as Mais de l'autre point de vue, le Coran, kalamullah, qablahu. Hein? Ça, avant qu'il y ait le Coran, maintenant il y a une période sans. Fatrat al-Rusul. Il n'y a pas eu de Rusul. Qui dit pas de Rusul, qui dit qu'il n'y a pas eu la parole d'Allah Azzawajal qui est descendue. Quand il a voulu parler avec le kalam al-ilahi alladhi huwa al-Qur'an, fa sha'ahu wa takallama bih. Tamam? Na'am. Wa kadhalika الكلام الذي سينطق به يوم القيامة. Tu vois, la parole, les paroles qu'il va dire يوم القيامة. Comme c'est venu dans certains hadiths. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ نعم. Donc d'un côté c'est conditionné ou c'est rattaché à la volonté d'Allah عز وجل et de l'autre côté c'est ancré en lui. مفهوم ذاتية وفعلية وفي الحقيقة tous les sifats que vous allez trouver فعلية en vérité ils sont ذاتية في أصل المعنى Quand on dit par exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il vient, le fait de venir, comme ça va venir, comme il va venir yom al-qiyam, ça c'est un sifa, il est fi'liya. Au premier abord, il est fi'liya. Mais quand tu regardes bien profondément, il est dhatiya sur le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de venir à n'importe quel moment. Tamam, t'as tous ces sifa, yani fi asl al-sifa, ils sont dhatiya. Tamam. Lakin vous retenez que les savants, ils ont différencié entre les dhatiya ou fi'liya. Et cette faïda là, comme quoi les fi'liya, les sifat qui sont fi'liya, qui sont raccrochés à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont tous en vérité dhatiya. Cette faïda là, elle va venir dans les durus à venir. Peut-être pas dans ce livre là, mais dans Al-Qawa'id al-Muthla li Cheikh al-Uthaymeen. ونكتفي في هذا الدرس بهذا